Hier, le gouvernement du Québec a annoncé des assouplissements majeurs. Donc, les matchs de hockey vont pouvoir recommencer le 14 février. Également, avec spectateurs, on en parle avec le président de la Ligue GMS, Danny Larouche. Salut, Danny. Salut, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Vous autres, vous devez avoir un soupir de soulagement, là. Ah oui, un gros, là. Vraiment, on sentait que ça commençait à... C'était lourd, là. C'est vraiment parce que on essaie de comprendre ça, d'autres essayent, puis on a des questions tout partout, puis nous, on tente un peu la fédération régionale, parce que c'est la fédération qui chapeaute un peu avec Hockey Québec. On veut pas tout mêler, puis on veut pas commencer à aller à l'encontre de des choses qui peuvent retarder des dossiers. Fait que on essaie ça on veut tout faire ça dans les règles de l'art. Puis les équipes, puis on le joueur, les parents, puis non, c'est très lourd. C'est un beau soulagement. Là, il va se passer quoi? Le 14 février, c'est quand le 14 février? C'est la semaine prochaine. Ouais, donc, c'est lundi. On peut penser que les matchs... Est-ce qu'il va y avoir des matchs sur semaine? Parce que là, il y a un calendrier. À partir de maintenant, vous devez vous assurer les disponibilités de glace. Je vais faire une entrevue avec Paul Morel là-dessus demain, probablement. Qu'est-ce qui va se passer là pour les glaces, et ainsi de suite. Mais... vous autres, là, vous refaites un calendrier, j'imagine? Oui, ben nous autres, qu'est-ce qu'on refait? Parce que nous autres, il y a la Coupe Dodge qui était dans la région, là, ouais. Milieu avril. Donc, on ne sait pas si elle va avoir lieu. Fait que on devrait avoir des réponses d'ici une semaine ou deux. Donc, nous autres, on va faire un calendrier pour les deux prochaines semaines. On va faire un calendrier serré qui va jouer sur semaine, probablement. Mais tout le temps avec l'acceptation de nos équipes, autant midget que junior. Donc, on va... Mais tout le monde veut jouer, là. Ils sont tous prêts à jouer sur semaine. Ils veulent jouer du hockey, là. C'est ça, là. J'imagine que vous avez des congrès. Il vous restait combien de matchs quand ça a arrêté? Ben moi, quand ça a arrêté, j'ai des équipes en moyenne junior à peu près, ça avait 15 matchs, fait qu'il y a sur 28. Fait que c'est. Nous autres, on s'en sauve pas si mal. Là. On pourrait peut-être aller sur une saison de 22-24 matchs. Là. Tout dépend si on peut rallonger des dates. Ouais, mais vous commencez à négocier avec les arénas? Ben ça, c'est la fédération qui est là-dessus, puis nos équipes qui s'occupent des heures de glace, puis on a notre statisticien qui fait les horaires, lui est en contact avec les responsables d'Arena. Là. On va voir, parce que avec la Coupe Dodge, eux autres qui allongeaient les disponibilités des glaces. Fait que s'il n'y a pas de Coupe Dodge, vont-tu rallonger pareil ou pas? C'est tout ça là qu'on devrait avoir des réponses à... Dans deux semaines, là, on devrait savoir donc, vraiment Dodge, où on s'en va. La Coupe Dodge qui devait avoir lieu, c'est dans la région, je pensais que ça devait avoir lieu. Hein? Oui, exactement, okay. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben là, à date, nous autres, il n'y a rien de cancellé. OK. Fait que la Coupe Dodge, là, nous autres, est au la fin de semaine, je crois, du 15, 16, 17 avril. Là. Fait que, donc, il y aurait moyen de compresser ça, jouer plus de matchs, jouer tous vos matchs qui restaient, puis jouer... Non. Ben c'est ça, parce que c'est pas évident aussi, parce que nous autres, on est dans deux catégories, que les petits gars vont à l'école à l'extérieur. Ouais, okay. Fait que sur semaine, c'est faut essayer de combler, puis ouais. Mais tout le monde comprend, puis tout le monde coopère là-dedans. Moi, j'ai une réunion Zoom avec toutes nos équipes vendredi soir. Fait qu'à partir de vendredi soir, nous autres, on est en train de préparer des cédules pour les deux prochaines semaines. Puis les deux prochaines semaines, là, ça nous donne le temps de savoir s'il y a une Coupe Dodge ou pas. Suite à ça, on va faire... Mais nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir une saison complète, des séries complètes, champions. Coupe Dodge, on l'a, parfait, si on l'a pas, c'est pas plus grave que ça. Okay. On veut faire jouer des jeunes au hockey le plus possible. Ce serait bien de l'avoir, parce que les hôteliers et les restaurateurs, ils ont mangé ça chaud qu'au cours. Exactement, ça, là. Moi, j'aimerais ça. Il y en a une, là, tu sais, je sais pas, là. Ouais, puis nous autres, comme nous autres, notre junior 2A, il est à Alma. Fait que c'est proche. Notre midget 2B, lui, est à Baie-Comeau, parce que ça va jusqu'à dans le bois du Saint-Laurent, Gaspésie aussi. Okay. Fait que, puis l'Abitibi, je crois qu'il y en a aussi, là, mais je suis pas sûr. Là. C'est surtout réserve. Dis-moi, parle-moi de... Moi, je suis inquiet pour l'année de la Ligue. Je vais te dire une affaire, là. Je vais te dire que... Pourquoi je suis inquiet? Parce que les joueurs, ça va-tu le tenter de jouer encore, sachant très bien que... Il y a des possibilités qu'encore une fois qu'ils nous cancellent. Et encore les bénévoles aussi, là. Bénévoles, c'est pas le fun. Il n'y a rien de fun là-dedans, là. Non. Mais Danny, moi, je peux te dire, là, c'est une de nos plus belles années de joueurs, de qualité de joueurs, puis de nombre de joueurs. Dans le junior, nos équipes sont toutes complètes. Vraiment, on n'a pas un problème de joueurs en ce moment. Vraiment, c'est bon, puis on a du bon calibre là, d'hockey aussi. Le moral des kids, comment ils sont? Tu as dû en entendre parler un peu. C'est pas facile. Là. Puis souvent, c'est des bons parents là, dans le midget. Puis dans nos équipes juniors, c'est des organisations qui sont là depuis des années. Donc, ils travaillent déjà fort, puis là, on en recommence. C'était vraiment l'incertitude là, qui penchait. Un coup qu'on a eu les hockey, au moins, commencer à pratiquer, puis on savait qu'en commençant à pratiquer, puis avec la pression d'un peu partout, on s'est dit, ben les matchs, c'est rien qu'une question de temps, là, probablement. Ben non, il y avait des pressions fait de que... partout, puis c'est pas fini. Ça. Exactement. Dis-moi, exactement. Donc, ça va, on va avoir des nouvelles très, très bientôt. Tu me tiendras au courant là-dessus, Danny? Parce que nous autres, on devrait commencer à jouer, là, dans notre semaine, là, le mercredi 17-18, là, ça va jouer, là. Si on commence, on n'a pas le choix de commencer vers ça. C'est autant avec la Côte-Nord dans le midget, avec Chibougamau également, on veut vraiment faire jouer tout notre monde une saison puis des séries. Ben, c'est au moins de terminer ça. Hey, en terminant, je veux te parler du livre de Michel Simard. Oui. Parce que tu es président de la Ligue, c'est un bijou. Moi, j'ai donné hier, j'ai fait un entrevue avec Serge Mont, parce que lui, Serge est en train de préparer un autre livre sur l'histoire des Saguenayens. Parce que les Saguenayens vont avoir 50 ans l'an prochain. J'ai donné 10 sur 10 à Michel Simard. Pour la Ligue, c'est un bijou. C'est, on va dire en affaire, c'est incroyable. Mais c'est peut-être que. Mais Marcel, comment il s'appelait le Marcel qui était longtemps? Marcel Maltais. Marcel Maltais. Il est arrivé après 86, lui. Parce qu'il est très. Il n'en est pas question dans le livre beaucoup de Marcel Maltais, hein? Puis pourtant, M. Maltais, c'est un des bâtisseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le midget, il est revenu, c'est grâce à lui. Qui est ici. M. Maltais, il a fait beaucoup, même du côté des Saguenayens juniors majeurs, il était impliqué. Moi, c'est dans ma tête, c'est un bâtisseur. Non, non. C'est qu'il a duré trop longtemps. C'est juste ça, là. Parce que le reste, il n'y a personne là, qui va remettre en doute ce que Marcel Maltais a fait, là. Exactement. Puis dans le livre, je suis comme toi. Le livre, là, super, mais je trouve qu'il parle pas trop de M. Maltais comme bâtisseur, de pas nécessairement l'associer à la Ligue JMS. Il y a eu le senior maison qui est parti pour ça, le J nous autres pour le junior, M midget, puis le S pour senior. Ouais. Donc, puis ça a tombé à l'eau. M. Maltais, il a fait beaucoup pour la région. Mais pour la Ligue, c'est un bijou, ça. Oui, là, c'est un super de livre, là. Hey, tu commences ça, tu veux plus l'arrêter, là. Il n'est pas gêné de l'envoyer avec l'histoire des livres du Canadien. Là. C'est pas gêné de l'envoyer en compétition avec les livres qu'on voit sur l'histoire du Canadien de Montréal, là. Ah non. Nous autres, on a des trophées que Jean-Claude Tremblay dessus, là. Ouais. Quand il jouait pour le junior à la Bille, on a des trophées, un trophée, notre trophée de gardien de but, je pense, il est là depuis 1941. On a des trophées, là, vraiment. Ben, on est la deuxième ligue la plus vieille au Québec, hein, après la Ligue nationale. Ben, on va surveiller ça de près. Demain, on va essayer de parler avec Pascal Bouchard également, pour savoir un peu la réaction du hockey mineur. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut continuer le combat pour les gens qui me suivent sur les médias sociaux savent de quoi je parle. Fait qu'on continue. Pascal Bouchard puis Patrice Filion, le président de la Fédération régionale, ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort. Il y avait des plaintes à gérer. Ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'en vont. C'était directement. C'était carrément pas loin d'un cauchemar pour eux autres, là. Ah oui, moi là, pour te dire personnellement, juste la Ligue GMS, on était en contact quasiment tous les jours avec eux autres. Ils ont tout le temps été courtois, puis il n'y avait rien à nous dire, là, parce que ça avançait pas, puis on le savait, là. Mais moi, j'ai des responsables midget junior qui se font poser par les questions par les équipes, puis on voulait des réponses, puis on les a achalés, puis non, ils ont fait ça numéro un. Moi, je lui lève mon chapeau, je les félicite toutes les deux. Okay. Vraiment, là, dans le dossier, ils ont bien fait ça. Daniel Larouche, gros merci, on s'en reparle bientôt. Merci, Daniel, une bonne journée. Le président de l'Église.